Monsieur Cap Marie Cap Placé, arrêtez mes cailles belles. Monsieur Cap Marie Cap Placé, arrêtez mes cailles belles. Tout ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mander. Tout ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mander. On travaille du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. On travaille du pour payer loyer. Madame pas content, maman bien boudée. Tombé pas bien tous les jours. Madame pas content, maman bien boudée. Tombé pas bien tous les Wap travaille du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Wap travaille du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Madame pas content, maman bien boudée. Tombé pas bien tous les jours. Madame pas content, maman bien boudée. Tombé pas bien tous les jours. Non même garçon cap marcher remè. Cherchez bon bon précaution. Non même garçon cap marcher remè. Cherchez bon bon précaution. Tout ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mander. Tout ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mander. Marcher sans pantalon. Va marcher sans pantalon. Aïe, pas occupé, belle mère. Va marcher sans pantalon. Aïe, pas occupé, belle mère. Va marcher sans pantalon. Belle mère fine pour mettre nos têtes chargées. Va marcher sans pantalon. Aïe, pas occupé, belle mère. Pas belle mais ouais. Va marcher sans pantalon. Matel. Va marcher sans pantalon. Matel, matel, matel, matel. Va marcher sans pantalon. Matel. Va marcher sans pantalon. Aïe, pas beau qui bé, belle mais ouais. Va marcher sans pantalon. Aïe, pas beau qui bé, belle mais ouais. Va marcher sans pantalon. Belle mais vite pour mettre nos têtes chargées. Babo ki be bel mè mwen. Belle-mère aux États-Unis. Ah. Arène. No money, no love. Me baga qui pire là. Ça même j'ai pour la caille moi. Ça c'est sort pas moi. Pour que belle ma Haïti. Ici dans la porte là. L'a surveillé, par exemple, on fini. Ma chambre est rentrée. Là, elle fait radiographe. Li baille la donne. Li baille la donne. Mes amis, la ville au Biaï. À la parole, à la cause, à la parole.